important de savoir c'est quoi tu représentes. Je représente quoi? Charny 5 fois. Moi c'est Brodeur, gros, j'ai dit plein de fois. Ici on défend tous les gens sans défense. Tu sais, notre classe sociale est prise avec ses dépenses. Je rappe pour tous ceux qui traitent la vie de saloperie. Pas de philosophie quand ici les saloperies. Le futur est un défi, mais le style est prolifique. Alors Brodeur c'est ici pour un projet poétique. Un gros bégon pas ceux qui me disent défonce-toi. C'est sûrement pas pour ceux qui me disent enfonce-toi. Pendant qu'on sonde au-dessus, des gens perdent leur but. Faut qu'on représente et fuck tous ceux qui le disent pas. Toutes les prophéties sont pas le bienvenu ici. Pendant qu'on sonde au-dessus, des gens perdent leur but. Faut qu'on représente et fuck tous ceux qui le disent pas. Toutes les prophéties sont pas le bienvenu ici. Je représente quoi? Brick en fracas, Charlie Brownside pis les gars tactical. MC Rampy 8-3, les moi loupi soldier. Je représente quoi? Dilo pis Jeff Dumas. Lion G pas du corps, Rapadi et j'y crois. M2H toute la clique pis notre manager est corps. Nargom aussi et Kizo. Ceux d'en bas, ceux d'en haut. De toute façon réunis, on est tous au même niveau. C'est aussi pour les autres que j'ai pas nommé. C'est pour tous ceux qui nous supportent depuis tant d'années. Toutes les MC qui nous épaulent du pseudo nord depuis le temps qu'on se donnait. J'suis content de voir que ça répond à l'appel. Hip-hop, watch out le move au Québec. On brise les pas et allez que tout le monde se resserre. Pendant qu'on s'en retue, des gens perdent leur but. Faut qu'on représente et fuck tous ceux qui le disent pas. Toutes les prophéties sont pas bienvenues ici. Pendant qu'on s'en retue, des gens perdent leur but. Faut qu'on représente et fuck tous ceux qui le disent pas. Toutes les prophéties sont pas bienvenues ici.